Respect des droits de l'homme, mobilisation sur le terrain en vue de l'épanouissement des populations, leitmotiv de la première dame centrafricaine, Madame Tina Margherita Touadéra, critiquée par certains, adulée par le plus grand nombre, qui voit en cela l'affirmation tout simplement d'un amour sincère pour la patrie, mais aussi une matérialisation de la vision du chef de l'État. Je suis contre cette pratique. Beaucoup de femmes ont perdu leur vie à cause de l'excision, surtout en Afrique et même chez nous en Centrafrique. La loi Bangayasi en Centrafrique condamne fermement cette pratique. La République centrafricaine émergeait comme les autres pays du monde à travers ce que nous faisons au quotidien pour soulager la souffrance de la population. Dans un entretien exclusif, Madame Tina Margherita Touadéra, première dame de la République centrafricaine, nous plonge dans les grands défis socioculturels de son pays. Sans tabou et pour la première fois, elle dévoile les combats qu'elle mène au quotidien depuis de nombreuses années. En exclusivité sur Afrique Média, ne manquez pas cet entretien ce dimanche 14 mai, 19h GMT, 20h Afrique centrale.